Electroconvulsive therapy. Ouais. Fantogro. Ya. Ixou Néo Clash. Ouais. Pour Urban Lyrics. Enfoiré. Fumeur de rime. Ouais. Appelle-moi froisseur de rythmique. J'encercle les bacs miniques. J'écris, ouais, j'écris. Même quand j'écris toutes mes deux cartes. On m'écarte du jeu. J'ai mis trop de vodka dans mon jus. Trop d'argent dans mes raps. J'te jure, la justice m'aura hop. Tant que j'aurai toute ma tête. Chaque jour, les putes feront des flatteries. Également des gâteries. Beaucoup d'infos. Un batterie. Pas le col fort dans le flacon. Une flaque d'hémoglobine au plancher. J'suis branché sur du 200 000. Approché. J'vois trop de mine. Trop d'obstacles. Vite. Accrochez vos ceintures à l'armoire. Et le constat, on en rit rarement. J'vide ma bouteille et j'taille un peu plus loin. Balance des lyrics, logo, j'ai mon cerveau qui s'éteint. Les nymphos se font mettre en cloque par des amoureux du bloc qui complotent avec des pointures sur la côte. Fasciné, puis arrive le moment où ça fait boum boum. Quand l'as dans ta foufou, n'est reste un petit bouffon. On signe pas la marine, épaisse à dealer militant. Pour autant ne pas saper de leur déguisement bleu marine. Pour monter une grosse douille à une veuve de Paris. Car on n'attend pas l'héritage de la petite mazarine. Agile, on agit la nuit, au système on nuit. Y'a pas 36 000 trucs pour esquiver l'ennui. On est tous des intrus, ouais, faut redoubler de risques à n'importe où. On peut y passer un peu comme à la roulette. Nous on joue avec le viro dans l'impact en Paris. Ils s'arrêtent pour neuf quartiers, pour poser le poids du cartel. Sans tapiner en j'appelle, les mythos sont tapés. Incarnable comme du Raphaël, sans faire dans l'excès. On a un avion même sans selle, mais une instru même sans thème. On crache sur Jean-Marie Le Pen et s'écrase sur la tour Eiffel. Un Mac 1 son dans le crâne, ça pilote somme dans le coffre. Quand certains mettent le casque, d'autres s'éparpillent le crâne. Disjon, t'as trop ram même pour gosser, vendre mon âme. Prendre une arme, nique Esman, pour plus qu'on saute des man. Donne du taf, on ne traite pas comme des chiens, sinon on traîne. Nique des chiennes, pisse partout, rien à foutre, pisse de tout, rien à se mettre jusqu'à que la terre se déchaîne. Les gars, tous elles nous la mettent, tel un cactus géant, venu d'une autre planète, pour nous croire dans notre monde. Mais t'as un compte d'autres facettes qui tamponne une fausse facette, tout te laisse à poil sur le côté. Agile, on agit la nuit, au système on nuit. Y'a pas 36 000 trucs pour esquiver l'ennui. On est tous des intrus, ouais, faut redoubler de risques à n'importe où. On peut y passer un peu comme à la roulette russe. On joue avec nos viraux dans un pacte en Paris. S'arrête pour neuf quartiers, pour poser le poids du cartel. Sans tapiner en j'appelle, les mythos sont tapés. Incarnable comme du Raphaël, sans terre dans l'excès. D'une manière égotrie, moi je te bouffe comme mon cri. Tu te la racontes avec toute ta clé. T'es ridicule, c'est pour ça que je t'encule. T'as rotable qu'ici c'est pas de marne qui balance des grosses claques. Quand ça claque, c'est 9-4. Ferme ta gueule ou tu raques. J'viens niquer Chirac dans mes verres. Je suis trop vénère. Je représente mon F2R. Dédicace à Raspail et au chaperon vert. On fume de la bonne R. On met en honneur. Toute l'année sur le terrain, on est présent, prêt à se casser toutes tes dents. Tu t'as raconté dans ta tête. Mais t'es bon, t'as parlé de sexe. Sous de bête, t'es connecté à internet. 7 sur 7, en train de taper l'avant-lettre. Rien que tu sers à rien, c'est trop ridicule. C'est pour ça que je t'encule ton pécule. C'est les gros pics, sous fantôme et néoclatique. Viens dire chez le chat. Agile, on agit la nuit, au système on nuit. Y'a pas 36 000 trucs pour esquiver l'ennui. On est tous des intrus, ouais, faut redoubler de risques à n'importe quoi. On peut y passer un peu comme à la roulette russe. Tous on joue avec nos viraux dans l'impact en Paris. S'arrête pour neuf quartiers, pour poser le poids du cartel. Sans tapiner en j'appelle, les mythos sont tapés. Un canapé comme du Raphaël, sans faire dans l'excès. Alors reste de scène, en scène, c'est 9-4-2. Ouais gros, pour Urban Lyrics. Coup de ça. Bouya. Ha ha. Foulec, foulec, foulec, foulec.